Deux enfants du même âge, deux enfants pas très sages, sont partis ce matin, se tenant par la main, sans se soucier de rien. Ces enfants du même âge, ces enfants si peu sages, s'en vont chercher au loin par les rues, les chemins, le pays d'où l'on revient. Des grands beaucoup trop sages, qui n'avaient pas leur âge, jaloux de leur destin, méprisant leur chagrin, les suivirent l'œil malin. Car ces grands toujours sages, qui n'avaient plus leur âge, déjà partirent au loin chercher par les chemins ce pays, mais en vain. Deux enfants du même âge, deux enfants pas très sages, sont partis ce matin, se tenant par la main, sans se soucier de rien. Ces enfants du même âge, ces enfants si peu sages, s'en vont chercher au loin par les rues, les chemins, le pays d'où l'on revient. Méfiez-vous des gens sages, ceux qui n'ont pas votre âge. Ils essaieront toujours de vous montrer un jour leur chemin de l'amour. Ils sont maintenant trop sages pour comprendre qu'à votre âge, il existe dans vos cœurs, dans toute sa grandeur, ce pays du bonheur. Ces enfants pas très sages ont tout juste notre âge. Nous partirons demain, nous tenant par la main, sans nous soucier de rien. Vous qui avez notre âge, ne devenez pas trop sage. Allez chercher au loin, par les rues, les chemins, ce pays d'où l'on ne revient jamais.